Les Saguenay de Chicoutimi vont célébrer leur 50e anniversaire. Déjà, ça passe vite et beaucoup d'histoires, beaucoup d'activités. Alors, la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse pour dévoiler en grande pompe les activités qui vont avoir lieu. Et on va parler avec le directeur des communications, Serge Proulx, des Saguenay. Salut Serge! Oui, salut Danny. En passant, là, juste dire que c'est directeur des opérations. Directeur des opérations, excuse-moi Serge, je Pas de m'excuse. problème, pas de problème. Serge, donc, on va y aller maintenant avec. Mais avant, t'étais à la. Hier, ça a passé à RDS, à la loterie. T'étais là comme un petit peu comme voir ça. Est-ce que c'est stressant? Ouais, c'est, je dirais, plus excitant que Ouais, stressant. hein? En 2018, quand on a eu le premier choix, puis finalement ça a été Hendrix Lapierre, on était plus fébrile parce que les Saguenay n'avaient jamais eu de premier choix. Ben ça avait arrivé là, mais 40 quelques années auparavant. Donc on tenait vraiment à avoir le premier choix cette année-là. Cette année, avoir seulement qu'une boule dans le boulier et on pouvait juste améliorer notre sort. Donc on pouvait pas dire qu'on était nerveux, mais on était excités parce que on est des challengers, les gens des Saguenayens, puis on voulait, tu sais, avancer, avoir la meilleure position possible. Et on se faisait des blagues dans la journée, à savoir, ben, nos prédictions, un c'était troisième, l'autre c'était deuxième comme moi. Et finalement, ben, c'était le troisième. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir hier soir là, à pouvoir vivre ce moment-là. OK, donc c'était vraiment intéressant. En fait, vous avez rien à perdre, là. Vous avez absolument. Absolument pas rien à perdre, c'est donc moins stressant. Les autres avaient tous de quoi à perdre parce que je prends Bécomo comme exemple. Deux choix dans les cinq premiers, puisqu'ils avaient complété une transaction l'an passé avec Val d'Or. Et là, ils se retrouvent quatrième et cinquième. C'était très décevant pour eux. Même Pierre Guillou, le directeur général, ne s'en cachait pas après là, sur le plateau de tournage. Il était très déçu et bon, on peut le comprendre. Cap-Breton, pour une des rares fois, l'équipe qui avait le plus de boules a réussi à avoir le premier choix. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. C'est un nouveau directeur général qui va être nommé éventuellement, qui va avoir à son entrée le premier choix. Donc c'est très intéressant pour lui. Bref, Victoriaville est très heureux de son deuxième choix. On peut les comprendre. Et nous, plus que satisfaits du troisième. Donc, Ben, à écoute, part ben, Bécamo, tout le monde était heureux hier soir. écoute, ben, je vais en parler à Yannick, mais quand tu as trois choix, puis je pense que tu as plusieurs choix au repêchage en banque, possibilité de s'avancer, en tout cas, ça, c'est pas ton domaine, là, mais bref, c'était plus voir comment tu as vécu ça. Ça se faisait de quoi dans le studio, c'est ça, dans le studio, un peu comme l'image de la Ligue nationale, Oui, c'est ça. C'était RDS là. hier soir à l'émission 360. Ça a duré 1 heure, donc c'était Ouais. vraiment intéressant. Il a RDS a fait tout l'enregistré. un travail Ouais. de préparation pour cette émission-là. Là. Donc, c'était très agréable. Et on espère, nous, être dans le boulier les prochaines années. Tu pourras en jaser avec Ouais. Yannick, mais c'est sûr qu'on a de bonnes chances, étant donné les transactions faites cette année. Là. Là, est-ce que tu entends parler, puisque toi, c'est sûr que t'es pas ton département, là, mais est-ce que tu entends parler, tu fais partie des communications, je pense que c'est une bonne récolte, hein? Cette année, on a 4 choix de première ronde et on a 6 choix dans les 27 premiers. Ouais, mais je veux Donc, dire, le repêchage, c'est un bon repêchage. Je pensais de la manière, j'ai pu comprendre ça. Il me semble que j'ai entendu ça, parce que. T'as-tu entendu parler de quelque chose de ce côté-là? Le côté talent, je te ben, parle, là. c'est sûr que c'est pas vraiment mon département. Je Ouais, vais mais t'as dû laisser entendre Yannick parler des répondre à choses. ça, mais les 20 premiers, là, selon les équipes, les 20 Ouais. premiers, c'est quand même de très, très bons choix, notamment les 5 premiers. Donc, OK. c'est sûr qu'il va avoir, tu sais, je pense que c'est la première année que ces joueurs-là vont avoir joué une année complète l'an passé dans le midget. C'était plus difficile parce qu'ils n'avaient pas joué. Donc, c'était plus des longs shots, comme on peut dire en jargon de hockey, là, de sport. Mais cette année, les joueurs ayant évolué une année complète Midget 3A, ben, ça a Ouais. facilité le travail des recruteurs, ça, c'est sûr. Ouais. Bon, la raison de ton appel, c'est je voulais parler de 50 ans. Ça passe vite et les Saguenay, vous avez décidé de fêter 5 ans. Oui, effectivement. Ça fait quand même quelques années qu'on prépare ça. Le comité est en place depuis près de 2 ans. Puis l'un des événements qu'on voulait absolument créer dans notre 50e, ça s'est préparé depuis maintenant 4 ans. On voulait avoir un livre sur les 50 ans. Ah, oui. Et Serge Aymond, qui un ancien journaliste là, du quotidien qui a travaillé à la couverture des SAGs pendant 3 décennies, eh bien, lui travaille dessus depuis 4 ans. C'est un travail de moine, un travail de recherche incroyable. Serge a une belle plume aussi. Donc, je t'invite à pouvoir le contacter. J'ai vu une partie du contenu. Puis c'est... Écoute, c'est travaille avec Normand Simard, les deux ensemble. Puis la Ligue de... Michel Simard. Ouais, c'est ça. Michel Simard, pas Normand. Michel Simard, puis... Écoute, le livre de la Ligue de hockey Junior Régional sur l'histoire de Junior Régional, c'est un bijou. Là. C'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Là. Puis si c'est, je pense que ça va être aussi bon. Fait que, déjà là, c'est extraordinaire. Oui, puis Serge n'a laissé rien au hasard, a parlé à plus de 100 personnes, dont plusieurs anciens joueurs, anciens entraîneurs, les gens qui sont reliés de près ou de loin au Saguenay à travers les décennies. Même ceux qui aiment moins le hockey vont être intéressés parce que c'est captivant. La façon que Serge l'écrit aussi, t'apprends plein de choses, il y a plein d'anecdotes. À la limite, c'est même du contenu drôle à certains moments donnés. Ça fait partie du folklore des années 60-70, puis c'est vraiment bien rendu. Donc, félicitations à Serge Aymond et on aura 3000 livres en circulation. Donc, on invite les gens à y aller déjà. Je peux te dire qu'il va partir assez vite, là. Puis il est déjà en pré-vente, j'ai pu voir. Là. Oui, ça, effectivement. Premièrement, ceux qui vont acheter leur billet de saison d'ici le 22 juin vont avoir 10$ de rabais. Le livre coûte 49,99$. Donc, ça va leur coûter, les détenteurs de billets de saison, ceux qui vont acheter leur billet de saison d'ici le 22 juin, ça va leur coûter 39,99$. Okay. Et ceux qui le réservent d'ici le 22 juin, ben, vont pouvoir, en l'achetant en pré-vente, vont pouvoir avoir une dédicace d'un ancien joueur des SAGs. Donc ça, c'est quand même avantageux. Et le lancement du livre va se faire le 7 septembre prochain. C'est un mercredi ici au Centre Georges Vézina. Serge, à part le livre, il va-t-il avoir d'autres choses? Moi, j'ai une idée que je vous lance de même. Là. Je ne sais pas si vous avez pensé, là, puis c'est déjà pas mal fait. Mais est-ce que vous allez porter le chandail à un moment donné, je ne sais pas moi, des Saguenayens de 1978? Est-ce que ça va arriver un chandail vintage? Est-ce que ça pourrait être quelque chose de même? Là? Non, on a déjà devancé ça. On a déjà joué avec Tandaï Orange avec le projet de Coram il y a 3 ans. Okay. Ça a été un succès retentissant. Coram a pu amasser 40 000$ pour sa fondation grâce à ça. Okay. Mais non, la saison prochaine, là, c'est pas vraiment au niveau des chandails, on va avoir un match qui sera vintage. Okay. Ce soir-là, les joueurs vont porter un chandail spécial. Mais ça sera pas. Les Cataractes l'avaient fait à leur 50e, l'avaient porté plein de chandails, puis ainsi de suite. On veut pas copier ce qui s'est fait ailleurs. Okay. Nous, le match vintage va se faire au 21 octobre. Ce sera un vendredi soir contre Sherbrooke. Et le match va commencer plus tard, comme dans le bon vieux temps. Et ce qu'on va faire. À 20h, je pense que les matchs dans le temps, hein? Il y en avait à 20h, effectivement. Ouais. Puis, ce qu'on va faire, ben on va avoir, dès 17h, les gens vont pouvoir venir ici dans un chapiteau. Il va y avoir de la musique d'antan. Ça va être une soirée vraiment spéciale. Et les gens vont pouvoir vraiment triper. Là, et avoir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de souvenirs lors de cette soirée-là. Ce qui va manquer, ça va être la fumée de cigarette qui retentissait dans le Saint-Georges à l'époque. En deuxième et troisième période, mais c'est pas un souvenir qu'on veut conserver. Donc, pour le reste, on va essayer de recréer quand même beaucoup, beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il va y avoir des autobus en feu? Parce que tu sais que Michel Bergeron s'est fait mettre en feu son autobus. Tu vas pouvoir le lire dans le livre. Ouais. C'est une blague que je fais, évidemment. Là. Mais... Ouais. Mais, ça brossait en tabarouette. Puis, est-ce que vous allez aussi honorer des anciens joueurs? Je parle surtout de Marc Fortier, Patrick Aymond, il y a Roberto Lavoie aussi qui est décédé il y a 2 ans, je pense. Mais est-ce que vous allez honorer des anciens joueurs? Félix Potvin aussi, bien entendu, là, et ainsi de suite. Le week-end des anciens va avoir lieu le 2, 3, le 3, 4, 5 février prochain. OK. Et ça va être extraordinaire parce que on va avoir le vendredi un match. OK. Puis on va avoir le vendredi un match régulier des Sags. Et par la suite, le samedi, ça va être 20 anciens contre les, dans le fond, 40 anciens qui vont jouer 20 contre 20 dans un match vraiment prévu, que ça va être le week-end des anciens. Et le dimanche, on rejoue un match régulier. OK. Fait que, donc, à partir de là, tu vas avoir énormément d'anciens en ville à ce moment-là. OK. Et là, les gens vont pouvoir revoir ces personnes-là, vont pouvoir fraterniser. Le match des anciens, là, on veut faire un match... avec un, ça sera gratuit, les gens vont pouvoir après ça venir fraterniser avec les anciens joueurs, ça va être une opportunité extraordinaire. Ça c'est le 2 et 3 février prochain, le samedi 3, c'est là que ça va se passer. Donc il va y avoir aussi, on a fait un comité qui a mis toute son énergie pour créer un groupe de 25, les 25 joueurs qui ont le plus marqué l'histoire des Saguenayens. Et ces joueurs-là, il va avoir un chandail spécial. Il va avoir un encan qui va être fait lors de ce week-end-là. Ces joueurs-là, on va avoir signé le chandail. Donc, les chandails vont avoir une certaine valeur et c'est pour remettre à la Fondation des études des joueurs. Donc, ça risque d'être fort intéressant. On va dévoiler un peu plus tard, là, pendant l'année anniversaire, les 25 joueurs qui ont été sélectionnés. OK. Il va-t-il avoir comme une équipe d'étoiles? Il va-t-il avoir... Vous allez-tu dévoiler l'équipe d'étoiles 50e? C'est-tu dans les cartons aussi de faire ça, non? Non, il n'y aura pas d'équipe d'étoiles. Okay. C'est bon. Des choses... Tu sais, dans le fond, nous, là, ce qu'on a fait, on a regardé ce qui s'est fait à travers les équipes, à travers les... On veut pas répéter des choses, puis c'est là qu'on essaie d'être vraiment. Tu sais, on va avoir une ligne du temps qui va être explorée à temps plein au Centre Georges Vézina, derrière les sections 13, 15 et 17. Cette ligne du temps-là, c'est une participation de Rio Tinto, qui est un partenaire vraiment important pour les Sags et devient le partenaire majeur du 50e anniversaire. Okay. Eux vont avoir vraiment sur cette ligne du temps-là là, plusieurs souvenirs. Il va y avoir des choses qui vont être en aluminium. Il va y avoir aussi des chandails retirés au fil des décennies. La prochaine saison, on en retire deux autres. Donc, ça sera une annonce qui va être faite éventuellement aussi pour dire les dates et les joueurs sélectionnés par le comité spécial. Ça, il va avoir ça. Au niveau là, de tout ce qui est avec la ville de Saguenay, on a l'exposition qui va être ici à temps plein à partir de l'automne, bien, on va l'envoyer cet été dans les prochains mois. Là, il va y avoir du 18 au 22 octobre. Une première exposition qui va prendre place à Jonquière sur la passerelle d'aluminium de la rivière au sable. Le thème, ça va être simultané à la baie au Parc Mars. Une deuxième exposition sur le thème des années 90 sera présentée également. Et du 15 janvier 23 au 28 mai 24, l'histoire des Saguenay sera en exposition à Chicoutimi au pont Sainte-Anne. Donc, on va pouvoir se promener un peu partout. La Voie Maltée, qui est notre partenaire majeur, va aussi... créer 4 bières pour chaque décennie. On a déjà, lors de la conférence de presse, montré le premier visuel qui est extraordinaire. C'est une canette blanche avec les couleurs, les couleurs vertes et bleues là, du chandail de l'époque. La canette est flamboyante. C'est vraiment super. OK. Bon, ça fait pas mal le tour pour les activités. Hey, Serge, en terminant, avant le COVID, vous aviez pris l'habitude de venir jouer des matchs au Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous allez reprendre vos bonnes habitudes? Un match sur concours? Ben, on veut, tu sais, pour faire ça, faut que les associations du Lac-Saint-Jean, lorsqu'on prépare ça d'avance, on prépare ça souvent, tu sais, l'automne précédent ou l'hiver précédent. La COVID étant parmi nous en janvier-février, c'était difficile de pouvoir ces organisations de hockey mineur-là de s'engager avec nous. Fait que cette année, il n'y aura pas de match pré-saison au lac, mais en espérant que si la COVID, on apprend à vivre avec, puis que ça devienne quand même plus habituel, ben possiblement que l'an prochain, on va pouvoir retourner au Lac-Saint-Jean discuter un match. C'est notre souhait à nous. mais on veut le faire aussi en équipe avec une association du hockey mineur qui ne se sentira pas coincée à travers la pandémie, là, ce qui était le cas lors des deux dernières années. Ben oui, ben oui. Serge, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Bonne chance. Puis je vais te contacter les prochains jours pour réserver mon livre. Évidemment, j'ai très intéressant. Puis écoute, tu ne pouvais pas avoir mieux que Serge Aymon, là. C'est, en plus, Serge a vécu Saint-Denis. Fait que, tu sais, c'est la personne qui était la plus compétente pour faire ce livre-là. Fait que bravo, puis j'ai hâte de te voir. Oui, absolument. Puis en terminant, je veux juste te dire, soyez à la aux aguets le 16 juin prochain, une annonce majeure sur l'identité des SAGs. Donc, ça sera aussi un événement qui va marquer la prochaine saison anniversaire. Fait qu'on va s'en reparler le 16 ou le 17. Je vais mettre ça dans ton agenda. Oui. OK. Serge Aymon, Serge Pou, pas Serge Aymon, mais Serge Pou, le directeur des opérations des Saguenayens de Chicoutimi.